Non, même qu'un jour j'avais eu des échos des États-Unis qui allait avoir un disque qui allait se faire en France sur Gérard. Donc on vient de lui montrer avec la pochette et tout. Hein, je veux dire, là Gérard, c'est pas du bluff. T'as la pochette sous les yeux. Mmh. Je ferai une copie. Ouais, bah de toute façon, on fera une copie. De toute façon, il y a un procès qui va être en route. Et là, ce ne sont pas des remixes avec ta voix, mais ce sont carrément tes textes de poèmes qui ont été repris et rechantés, ce qui est quand même carrément hallucinant. Gérard, est-ce que tu l'as entendu tout à l'heure? Bah, vaguement, ouais. Bon, alors, écoute un peu ce que ça donne. Voilà le texte. Et c'est carrément une pochette d'album. Je voudrais te dire je t'aime dans le creux de l'oreille, mais tu as ton Walkman. Je voudrais te dire je t'aime, mais je n'ose pas. Je voudrais te dire je t'aime, mais je ne sais pas comment te dire. Je voudrais te dire je t'aime du fond du cœur, mais je suis bloqué. Non, c'est bon, je voudrais coupe. Te dire je t'aime comme une... Coupe. Alors ? Coupe, parce que c'est pas la peine de continuer, parce que les gens, ils vont l'enregistrer. Alors, qu'est-ce que tu as à dire à ça? Non, bah, de toute manière, c'est simple. C'est pas la peine de continuer comme ça. Donc, ce soir, c'est clair et net. Si les auditeurs ont écouté, eh ben, voilà. Je préviens d'entrer que pour la dernière fois, de manière, il est clair et net que ce soir, c'est le dernier débat. Et ça sera terminé. Oh non! Si, si. Bon, bah, alors, pour le petit adieu, on pourrait peut-être leur mettre le disque, qu'on écoute le... Non, pas pour l'instant. De toute manière, t'attends que... Attends. Non mais faut écouter. Ah non mais allume le micro. Quoi? Si tu continues à le passer, je m'en vais. Bah, il faut écouter pour moi. Non, mais je veux pas le savoir. Bon, on parle par-dessus. On parle par-dessus. Je veux pas le savoir. Tu ne le repasses plus. Parce que les gens, ils vont le copier. Ça va faire comme le premier. Ça va être vendu à ta mère. Et moi, je vais rien toucher du tout. Alors, il y a hors de question. Non mais attends, on va faire un procès. Non, mais je veux pas le savoir. C'est pas la peine de continuer de le passer. On a le numéro de la maison de disque. On va les appeler, là. Non mais, non mais t'as même pas écouté. Non, si on parle dessus, les gens, ils peuvent pas. Mais même, c'est pas la peine. Ça sert à rien. Ça sert à rien de continuer de le penser. Écoute là. Non, mais c'est bon. Non, on peut se faire du fric. Mais même, on va se faire du fric sur quoi? Je sais quoi? Rien du tout. Bon, bah, c'est bon. C'est bon, arrête-le. Bah, arrête-le. Mais non, mais arrête-le, ça sert à rien de le penser. Écoute là, non, on parle dessus, les gens. Même. Comment? Mais même, ils vont pas enregistrer. Mais même, c'est pas la peine de continuer de passer un truc comme ça alors que je suis pas d'accord, j'ai pas donné de feu vert. C'est pas la peine de continuer de passer des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai. Mais même, maintenant que j'ai rien donné, c'est pas la peine de continuer de passer des trucs. Donc, en fin de compte, le truc, on pourrait appeler la maison de disque. Mais regarde, c'est pas la peine de l'appeler, de manière. Pourquoi? Ça va servir à quoi? Et leur dire que t'es pas d'accord. Ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi que tu vends une merde comme ça? Je pense que les gens, ils vont ça maintenant que tu l'as passé une fois. Il y en a qui l'ont Il y a un connard qui t'a demandé de le passer. Non, ils voulaient le remix, ils voulaient le remix. Bah, ils n'auront rien du tout. Il n'y aura plus rien. Non, parce que c'est une idée, ça. On pourrait vraiment faire un disque. Non, il n'y aura rien de sorti. Je ne sors rien. Mais pourquoi tu fais pas un truc, un album, en préparation de truc? Non, je ne ferai rien. Avant que tu t'en ailles. Non. Non? Vraiment? Je ne ferai rien du tout. Vraiment? Attends. Là, bah, écoute là, c'est fort quand même. Je vais faire un bisou, le soir avant de dormir. Je vais faire un bisou dans le cou. Non, t'aimes pas. Je vais faire un bisou avant d'aller travailler. Genre, on le met son casque et il sort son micro, il va plus parler. Laisse-moi. Allez, écoute là. Le jour de ta fête. Laisse-moi. Je vais faire un bisou sur tes bras. Laisse-moi. Je te reprends les soirs quand. Non? Bon, alors on arrête. Oui, c'est pas le problème des auditeurs, Si, quelque part, parce qu'il y en a tellement. Non, mais c'est pas le problème des auditeurs, parce que les auditeurs, ils vont te demander sans arrêt, toi tu vas le passer, puis ils vont faire des cassettes, et ça va être revendu comme l'autre à 100 balles. Et je vais rien voir du tout. Ah bah, et moi alors, tu vois, on voit quelque chose, nous, fan radio, et quand même. Non, mais attends, et de toute façon. Donc, ça regarde pas les autres, ça c'est un truc entre nous à gérer, et tu vas t'en occuper quand tu pourras. C'est tout. Je vais essayer de faire très vite, Gérard. Dès tout à l'heure, dès que je peux là, mais vrai. Oh, non, mais ce qui serait intéressant, c'est dommage, c'est de le passer au moins une fois en entier pour que. Non, ça sert à rien parce que ça va être copié. Mais si, ça va être copié, les gens ils attendent que ça. Sur nos Minitel, ils l'ont demandé tout à l'heure, ils attendent que ça, de le repasser pour le copier et de le revendre. Donc c'est pas la peine. Et après, tu vas recevoir des tas de lettres en disant, ouais, comme quoi que le truc a été vendu. Alors, non, pas d'accord. Ouais, il est hors de question que tu le passes. Exclusivité, je vous coupe. J'ai le directeur de la maison de disques qui a sorti le CD, qui voudrait parler. Non, mais c'est bon, moi je veux pas y parler. Si, si, bah justement, il voudrait s'expliquer avec toi, donc je te le passe, il s'appelle Didier. Ouais, ben... Didier, t'es avec nous? Oui. Bon voilà, écoute, tu as Gérard, donc expliquez-vous maintenant. Gérard, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est quoi cette histoire là? Oui, mais voilà, Gérard, nous avons donc écouté vos textes. Il n'y a pas de nom, mais moi je veux le savoir. Non, mais vous le saurez au moment voulu, vu que justement vous allez quand même toucher vos points de royalty. Ouais, quand? Quand? La semaine de quel jeudi, quand il y aura un dimanche, c'est ça? Non, mais vous comptez quand même bien toucher les 2 francs. Non, mais attendez, vous allez le vendre 2 francs, hein? Non, mais vous me prenez pour un con, quoi, là? Non, mais vous comptez bien prendre 2 francs sur 3 millions de ventes disques vendus. Ouais, bah, espèce de petit con, là. Mais non, monsieur. Bah, y a pas de nom, messieurs, mais moi je vous emmerde. Je veux dire, vous n'allez pas vendre des trucs comme ça sans mon accord, ok? Gérard, pas d'insulte, s'il te plaît. Vous n'avez pas à vendre des trucs comme ça. Non. Mais hier, je vous ai pas signé de contrat. On est bien d'accord. Non, mais nous avons signé un contrat. Non, mais vous avez signé un contrat avec qui? Avec la personne qui chante. Avec la personne qui chante. Mais la personne concernée qui chante. Ok, mais c'est quand même sur mes trucs à moi. Alors, il y a hors de question que ça continue. Donc, ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut s'appeler Gérald? Non. Non? Non, de toute manière, maintenant que ça a été passé sur la radio, maintenant, vous vous démerdez. Oh là là. Ah ben, y a pas d'eau là. Et comment je pourrais faire alors? Ah ben, vous vous démerdez. Vous pouvez passer à la maison 10 demain? Ben, moi, je passe nulle part. S'il vous plaît. Là, je passe nulle part, vous allez vous faire foutre. Non, juste à la télé, alors. Vous savez rapper. Ben, je veux pas le savoir, maintenant. Maintenant que ça a été diffusé à la radio, maintenant, vous vous démerdez. Oui, mais enfin, monsieur... Non, mais y a pas d'enfin, monsieur, maintenant, vous vous démerdez. Y a même pas de compromis, rien. Vous vous démerdez. Je me débrouille alors. Vous avez moins d'un mois pour arrêter vos conneries. Moins d'un mois, donc on peut quand même le mettre sur le titre de marché. Non. En parlant de rappeur. Oui. T'as jamais mangé un manche à balai? Je voudrais te dire, je t'aime dans le train de l'oreille. Votre disque alors? Oui, voilà. C'est un scandale. Il voudrait... Mais non, messieurs, mais écoutez, en concert, c'est un carton. Calme-toi, Gérard, mais assis-toi. En concert, c'est un carton. Je pense que ça, c'est le Gérard, tube de l'été. Monsieur Star System, je voudrais te dire, je t'aime dans le creux de l'oreille, mais tu as ton Walkman. Laurette, t'as 29 ans, toi, et tu nous appelles de Nantes.